histoire commence quand déjà? Je sais plus, c'est la routine, c'est pas, on a traîné au square toute la nuit entre les oufs, les tocs et les keufs. J'ai trouvé l'inspiration dans une bouteille, compté les bulles de ma canette, les pieds et les mains attachés car tout est sous condition, tous nos espoirs sont arrachés. Je mate les keufs se faire caillasser, le monde est fou, gros, je m'enferme sur moi-même, je plonge la tête sous l'eau comme Cousteau. Désabusé, car dis-moi le peu qu'on a gagné. Tu peux bicrave, même si tu pèses trop ou pas trop, l'hameçon tu vas le grailler, donc son bronc à gratter. Cassine ta zèbre pour que la paix intérieure t'y trouve l'accès, on accède à deux moins de statuts sociaux, on galère sans cesse trop, ça me fait qu'en perche gros. On devient petit à petit des zombies à croire qu'Ombrella nous l'a mis, ce qu'on est prêt à faire pour du bif. Génération plus 50 dégarte les kills. À quoi bon faire les choses bien, dis-moi ce qu'on y gagne. Tu peux te faire beau pour une meuf, te laisser aller dans la cam, éviter les drames. Je prône la simplicité à l'inverse de Sarko, ce qui me pousse à traiter de ça. À quoi bon faire les choses bien, dis-moi ce qu'on y gagne. Tu peux te faire beau pour une meuf, te laisser aller dans la cam, éviter les drames. Je prône la simplicité à l'inverse de Sarko, ce qui me pousse à traiter de ça. Tu peux dire à quoi bon l'ambition de percer m'a quitté. Tu penses que tu vas réussir, mon pote? Crois aussi que le juge va t'acquitter. Les médias nous mentent et c'est pour l'état que tu les vois tapiner. Yeah. La vérité est masquée par les apparences. Au nom de la douce France, l'époque est triste, on s'écrase tout doucement. Rien de neuf ici, je laisse sur le qui-vive. Pour le peu qu'on y gagne, je suis triste comme mon compte épargne. Yeah. Admire au travers de ma pupille. On doit toujours des thunes au trésor public. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde les exemples qu'ils nous donnent, l'asie qu'ils veulent qu'on consomme, leur point comme leur sitcom. Si t'aimes ce monde, t'as le syndrome de Stockholm. Tu trouveras pas la sagesse dans un magazine people. A tous ceux qui l'ont compris, big up. A quoi bon m'acharner, je suis défaitiste, j'aime bien rien faire, c'est comme ça que j'ai mon équilibre, j'abuse l'appétit. D'un fauve, je tout et tout de suite, mais je veux plus, t'as fait plus de produits pour n'être qu'un peu de plus. Sur leur échiquier, condamné à l'échelle universelle. Bienvenue dans mon universal, apprécié comme une vie vraie. Suis tendresse avec ta go. Cette mélodie, l'auditeur dans sa tango. Cette mélodie, l'auditeur dans sa tango. Cette mélodie, l'auditeur dans sa tango.